Les canaux. Les canaux permettent aux bateaux de passer d'un endroit à un autre. Certains canaux sont si étroits que seuls les petits bateaux peuvent y entrer. D'autres canaux sont très larges. Ils sont assez larges pour laisser passer les gros bateaux. Certains canaux permettent aux bateaux de monter ou descendre des collines. Il y a des écluses dans ces canaux. Les écluses sont des portes. Comment fonctionne une écluse? Le bateau entre dans l'écluse, le niveau d'eau baisse, le bateau descend, la porte s'ouvre, le bateau sort. Les écluses permettent au bateau de contourner des obstacles. Ce bateau contourne une chute. Certaines écluses sont si grandes qu'elles laissent passer de très gros bateaux. Certains bateaux sont si gros qu'une locomotive doit les tirer dans l'écluse. Dans certains canaux, les bateaux peuvent monter ou descendre une colline en ascenseur. Certains ascenseurs ressemblent à une grande piscine. L'ascenseur monte et descend sur la colline. Il transporte le bateau d'un canal à un autre. Voici un très gros ascenseur. Il sert à transporter les bateaux d'un canal à un autre. Il tourne sur lui-même comme une grande roue.